Je partirai, quoi qu'il en soit. Si l'espoir est à l'étroit, je serai peut-être seule et sans un sou. Si mes rêves sont sous écrou, je partirai. Je partirai. Débuté les 24 sur 24, prier 7 jours sur 7. Galérer une main dans la vaisselle, l'autre sur la poussette. Les rêves pleins de poussière. Galérer puis s'occuper de ses petits frères. J'ai vu taffer, verser tout son salaire. Petite sœur rêve de s'enfuir, j'ai vu pleurer petite sœur. Elle aimait un homme et les parents n'aimaient pas sa couleur. Petite sœur commence au McDo, elle finit chez Quick. Elle a des rêves pleins les valises, hélas aucun ne se réalise vraiment. Petite sœur a grandi trop vite, elle a mûri parmi les loups. Confond pas faiblesse et gentillesse, elle en a pris des coups. Petite sœur fait le parloir, petite sœur fait le ménage. C'est dingue, on l'appelle petite sœur alors qu'on a tous le même âge. Merde, le temps passe si vite, elle est devenue une super femme. Elle paie le loyer, même pour acheter mes clopes, elle me dépanne. Petite sœur a sa voiture, débrouillarde et autonome. Elle fait les 35 heures, mais les parents la voient trop comme une môme. Petite sœur me dit-elle, pars prends ton envol, on verra bien où ça te mène. Avant que la nuit s'achève, ne laisse pas mourir toutes ces étoiles qui brillent dans tes yeux. Pour ça que je partirai. Chercher son bonheur ailleurs. Elle a laissé la maison vide, aussi vite que nos cœurs. Pas de nouvelles, les parents guettent le téléphone pendant des heures. Petite sœur, grande sœur, long silence, grande peur. Par n'est aucune crainte, vis ta vie, vole de tes propres ailes. Ris, sois quelqu'un, arrête de vivre toujours au pluriel. Des étoiles plein les yeux, des montagnes de souvenirs. Par, sois quelqu'un, mais surtout n'oublie pas de revenir. Tu méritais autre chose, ici souvent la poisse nous guette. La banlieue est un bocal, les traditions un casse-tête. Ne te perds pas sur ta route quand tu seras seul, n'oublie pas qu'on est là. Papa est un peu fâché, avec le temps ça passera. Tu es né pour briller, ici les flammes s'éteignent. Les oiseaux tombent du nid, car souvent la poisse nous brûle les ailes. Avec ton sac et quelques sous, comme une comète, je t'ai vu partir. Pars vite ta vie, mais surtout n'oublie pas de revenir. Quoi qu'il en soit, si l'espoir est à l'étroit, je serai peut-être seule et sans un sou. Si mes rêves sont sous écrou, je partirai. Cette petite voix me dit-elle, pars prends ton envol, on verra bien où ça te mène. Avant que la nuit s'achève, ne laisse pas mourir toutes ces étoiles qui brillent dans tes yeux. Pour ça que je partirai. Chercher son bonheur ailleurs. Elle a laissé la maison vide, aussi vide que nos cœurs. Pas de nouvelles, les parents guettent le téléphone pendant des heures. Petite sœur, grande sœur, mon silence, grande peur. Par n'aucune crainte, vis ta vie, vole de tes propres ailes. Ris, sois quelqu'un, arrête de vivre toujours au pluriel. Des étoiles plein les yeux, des montagnes de souvenirs. Par, vis ta vie, mais surtout n'oublie pas de revenir. N'oublie pas de revenir.